Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Devenons pour la lecture de la parole. Tusimame juu ya kusoma neno la Mungu. Aujourd'hui, nous lisons dans Daniel au chapitre 9. Leo tutasoma mu Danieli sura yake 9. Daniel au chapitre 9. Danieli sura yake 9. Dans son verset 1 à 3. Mstari ya kwanza kufika kutatu. Notre Père Céleste, Baba yetu wa kumbingu, toi tu es l'auteur de la parole. Wenjo mwanzishi wa neno. Tout le monde qui a étudié peut ouvrir la Bible et la lire. Mutu wote ule alisoma anaweza kufungua Biblia na kuisoma. Mais la révélation vient de ta part. Alakini ufunuo inatokea kwako. Ce ne sont pas les hommes qui ont écrit cette Bible. Aina batu waliandika hii Biblia. Mais c'est le Saint-Esprit qui l'a écrit de ta part. Alakini ni Roho Mtakatifu aliandika kwa upande wako. Nous sommes des hommes. Chituku bantu. Notre compréhension est limitée. Kuelewa kwetu kuko na mipaka. Ta parole, elle est éternelle. Neno lako yo ni ya milele. Elle est voilée à tout esprit charnel. Inesha fichwa ku roho yote ya bumuntu. C'est pourquoi nous t'invitons, Père. Jo kamana tunakualika Baba. Descends ce soir. Ushuke mangaribi ya leo. Et révèle-nous ta parole. Na utufunulie neno lako. Et ouvre-nous l'intelligence. Utufungule akili. Pour que nous puissions saisir ces choses sur lesquelles nous parlons. Tutupate kushika bibi bitu yulu yabi tunasemea. Tu as fait une chose exceptionnelle avant d'aller au ciel. Ulifanya kitu kia upeke mbele ya kwenda kumbingu. Tu as ouvert l'esprit des apôtres. Ulifungula roho ya wamitume afin qu'ils comprennent les écritures. Ili wapate kuelewa maandiko. Viens Seigneur Jésus-Christ. Mkuje Bwana Yesu. Ouvre-nous l'esprit. Utufungule roho. Et donne-nous la révélation de ta parole. Na utupatie ufunuo wa neno lako. Et nous te serons infiniment reconnaissants. Na tutakushukuru kabisa. Dans notre foi nous croyons. Muimani yetu tunaamini. Que dans ta parole il y a tout. Ya kwamba ndani ya neno lako mko vitu vyote. Tout ce dont l'homme a besoin. Vile vyote mtu anahitaji. Le salut. Okovu. La guérison. Utunzo. La consolation. Faraja. Seigneur. Bwana. Accomplis cela en nous. Uitimize ndani yetu. Et si nous ce soir. Na yulu yetu mangaribi ya leo. Et ton nom sera glorifié. Na jina lako itatukuzwa. Bénis chaque frère et chaque sœur. Ubariki kila nduku na kila dada. Et bénis la parole qui sera lue. Na ubariki neno itasomewa. Nous savons que la parole prophétique n'est pas aisé à comprendre. Tunajua kwamba neno ya unabii haina mwepesi kuelewa. Nous comptons que sur ta grâce. Alakini tunatumainia neema yako. Viens saisir ma langue. Uja ushike ulimi yangu. Et sois avec les oreilles des auditeurs. Ukuwe na masikio ya wenye kusikia. Tout pour l'avancement de ton royaume. Yote juu ya maendeleo ya ufalme wako. Et pour la gloire de ton nom. Najua utukufu wa jina lako. Au nom de Jésus Christ. Mjina Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amina. Dans Daniel 9, Daniel sura kitisa, au verset 1 à 3, mstari ya kwanza kufika na kutatu. La première année de Darius, fils d'Assyrius, mwaka wa kwanza wa Darius mwana wa Asiero, de la race de Med, wa kizazi ya wa Med, lequel était devenu roi du royaume de Chaldéen. Ule alikuwa mfalme wa ufalme wa Chaldea. La première année de son règne, mwaka wake wa utawalo, moi Daniel, mimi Danieli, j'ai vu par les livres, niliona kupitia kitabu, bitabu, qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Ya kwamba kulipashi kupita miaka makumi saba juu haribifu wa Yerusalema. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Kufuatana na wingi wa miaka ile wa milele alisema na Yeremia nabii. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu. Nikageuza uso yangu na kumwangalia Bwana Mungu. Afin de recourir à la prière et aux supplications. Ili nipate kukimbilia kwa maombi na kumaombolezo. En jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Mukufunga chakula maombi na kumkuvaa magunia na kujipaka maivu. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Comme je venais de les mentionner dans la prière. La parole prophétique n'est pas aisée à comprendre. Neno ya unabii haina mwepesi kuelewa. Il faut une assistance spirituelle d'une manière permanente. Inapaswa kukua msaada ya kiroho ya kila wakati. Pour que le Saint-Esprit nous révèle ce qu'il a caché dans les pages de la Bible. Jiaro mtakatifu apate kutufunulia ile alificha umakartasi ya Biblia. Il y a eu beaucoup d'hommes. Kulikuwa watu mingi. Il y a eu beaucoup de serviteurs. Na kulikuwa watumishi ya Mungu mingi. Dans les âges passés qui ont essayé de toucher à ce livre prophétique. Mubizazi lipita bale bali pima kugusa ku kitabu ya unabii. Et en particulier au livre de Daniel. Kwa upeke kitabu ya Danieli. Mais la plupart des enseignants. Lakini ba mingi katikati ya balimu. Ont tapé à côté. Barienda pembeni. Ils n'ont pas classé les choses de Dieu d'une manière correcte. Abakupange bitu ya Mungu mnamna ya kunyoloka. Et cela a semé beaucoup de confusion dans les esprits des gens. Na ile ileta mvuruko mingi mu maro ya watu. Et cela a même embrouillé les écritures. Na ile ilivurusha ta maandiko. Parce que des fois les écritures étaient mal placées. Kila mara maandiko barikuwa na iweka mbaya. Et quand une écriture était lue. Et quand une écriture est lue, wakati andiko bali isoma, alors l'interprétation qui lui était donnée n'était pas la révélation divine. Utafsiri ile bali ileta kwile andiko haikuwa utafsiri ya kimungu. C'était une compréhension humaine. Ilikuwa tu ni kuelewa kwa bumuntu. Chacun pouvait s'aventurer. Kila mtu aliweza kupima. Délire la parole de Dieu. Soma neno la Mungu. Délire la parole prophétique. Soma neno ya unabii. Et de donner les explications de ce qu'il comprenait. Na kuleta mafasilio ya ile alikuwa anasikia. Selon la pensée humaine. Kufuatana na akili ya bumuntu. C'est ainsi que la pensée divine n'a jamais été dévoilée. Joko maana wazo ya kimungu ilikuwa bado kufunuliwa. Pourquoi? Juu ya nini? C'est parce que pendant ce temps wakati, que ces hommes cherchaient à comprendre la parole prophétique. Ile iwatu walikuwa natafuta kuelewa neno ya unabii. Le temps de la prophétie n'était pas encore venu. Wakati ya unabii ilikuwa bado kufika. Et il n'y avait pas un prophète pour ouvrir la parole prophétique. Na akukue nabii juu kufunua neno ya unabii. La parole prophétique ne peut pas être interprété par n'importe quel théologien. Neno ya unabii ayezi kufasiliwa na mtu wote wote mwenye kufunza neno. Ce ne sont pas les évangélistes qui doivent l'interpréter. Aina wapashawari njema ndio wanaweza kuifasilia. Et même les docteurs de la loi, les docteurs ne peuvent pas le faire. Hata benye walimu hawawezi. Il faut d'abord qu'un prophète vienne. Na pashi kwanza nabii akuje. Et qu'il nous parle de la part du Seigneur. Na tuambie kwa upande wa Bwana. Ayant celui l'esprit de celui qui avait écrit la prophétie. C'est à ce moment-là que les autres ministères peuvent comprendre correctement la parole prophétique écrite dans les pages de la Bible. C'est ainsi que beaucoup d'hommes ont eu beaucoup de difficultés parce que les choses n'étaient pas ordonnées conformément à la révélation. Que le Seigneur vous bénisse. Nous commençons une partie très importante et très compliquée. Tunaanza sasa ni kipande cha muhimu cha mafaka kabisa lakini cha nguvu. Mais ma prière est que le Saint-Esprit maombi yangu ni ya kwamba Roho Mtakatifu puisse donner la compréhension à chacun de nous. Apate kupatia kile mmoja wetu kuelewa. Pour que nous puissions saisir ce que Dieu a à nous dire. Juu tupate kushika kile Mungu anapenda kutuambia. Parce que nous-mêmes en tant que fils, en tant que les enfants de la promesse. Kwani sisi wenyewe sa watoto ya malako. Les fils prophétiques. Watoto ya unabii. Nous sommes censés comprendre tout ce que Dieu a arrêté dans notre âge. Tunastahili kuelewa vile vyote Mungu alichukua sawa mpango mkibadilika. Parce que ce sont les choses qui nous concernent. Juu ni vitu vyenye kutuelekea. Et pour rafraîchir votre mémoire. Juu kumirudisha mzuri mkusikia. Nous vous avons montré. Tulimionyesha. Qu'à la mort du roi Salomon, ya kwamba mkufa kwa mfalme Salomon, le royaume d'Israël qui était uni fut divisé en deux parties. Ufalme ya Israel ilikuwa katika umoja iligawanyana mvipande mbili. En deux royaumes. Maufalme mbili. Il y eut le royaume de Juda. Ulikuwa ufalme wa Yuda. Et il y a eu aussi le royaume d'Israël. Na kulikuwa tena ufalme wa Israeli. Nous avons montré tulimionyesha que le royaume de Juda, ya kwamba ufalme wa Yuda était seulement formé de deux tribus. Ilitungwa tu na kabila mbili. C'est-à-dire manake, la tribu de Juda, kabila ya Yuda et la tribu de Benjamin. Na kabila ya Benjamina. Et ces deux tribus mbili étaient sous l'autorité mamlaka, du roi Roboam, ya mfalme Roboam, le fils de Salomon. Mwana wa Salomon. Et Roboam avait comme capitale na Roboam alikuwa na mji munene, Jérusalem. Ilikuwa ni Yerusalema. Et cela s'est passé na ile ilifanika en 932 kuanzia mwaka 932 en 916 avant Jésus-Christ. Kufika na 916 mbele ya Bwana Yesu Kristo. De 932 à 916 avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est quoi ni mbele ya kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. C'est la période dans laquelle le royaume de Juda, ni mwakati ile falme wa Yuda, formé par ces deux tribus, yenye kutungwa na ima kabila mbili, la tribu de Juda, kabila ya Yuda, et la tribu de Benjamin, na kabila Benjamina, ont existé. Jo, pale ile ufalme ilikuwa. Le deuxième royaume d'Israël, ufalme ya pili ya Israeli, lui était formé avec 10 tribus, yo ilitungwa na makabila 10, avec Jéroboam comme roi. Na Jéroboam sawa mfalme. Ce sont des choses que nous avons déjà parlé. Ni bitu bile tulikuwa tunaisha sema. Mais avec la capitale Samarie. Lakini na mji mkubwa sawa Samaria. Nous avons montré que Jéroboam, tulionyesha kwamba Jéroboam n'était pas de la maison de David. Asiukuwe wa munyumba ya Daudi. Mais Jéroboam, lakini Jéroboam était un serviteur de Salomon. Alikuwa mtumishi tu wa Salomon. Qui s'était révolté contre son maître. Mais après que Roboam, le fils de Salomon, refusa d'écouter les anciens qui ont vécu avec le roi Salomon, il rejeta leurs conseils, il accepta les conseils des jeunes gens qui étaient avec lui. C'est ainsi que le royaume d'Israël fut divisé. Les tribus se révoltèrent contre le roi Roboam. Makabila kumi ikamtombokea mfalme Roboam. Et ces 10 tribus prirent Jéroboam, le serviteur de Salomon. Na makabila kumi ikachugua Jéroboam mtumishi wa Salomon. Sawa mfalme kuchocha yabo. Et plaça sa capitale en Samarie. Na uliweka mji munene yake Msamaria. Et c'était de 932. Na ile ilikuwa ni kuanzia 932. Cela a existé de 932. Il est au fond mais il court à côté en 932. À 911. Jusqu'à 911. Avant la venue de notre Seigneur Jésus. Il est nimbele ya kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. L'église est avec moi. Kanisa inanifuata. Le roi de Juda, mfalme wa Yuda, le plus connu ule mwenye kujulikana kabisa parmi tous les rois, katikati ya bafalume bote, c'est Josaphat. Jina yake ye ni Josaphat. Mais dans le royaume d'Israël, alakini mu ufalme ya Israeli, le roi le plus connu, mufalme mwenye kujulikana kabisa, malgré sa méchanceté, atavila alikuwa roho mbaya, c'est Akab. Alikuwa ni Akab. Ce roi qui avait épousé Jézabel. Ni huyu mufalme njo alimuowaka Jezabeli. Et qui avait entraîné Israël, le royaume d'Israël, dans beaucoup de péchés. Na huyu mufalme njo alisukumaka mufalme wa Israël muzambi mingi. Eh, il faut noter cela. Na inapashi kuishika, muyandike. Deuxièmement, Jabili, il est aussi très important que vous notez dans vos cœurs, dans vos notes. Ni amafate na kwenu mupate kuyandika mumyo yenu na makartasi yenu. Avant que nous allions très loin, mbele ya sisi kuendelea, pour qu'il n'y ait pas de la confusion dans vos esprits et dans vos cœurs, juu mushikwa na mufuruko muroho yenu na mioyo yenu. Il y a eu deux captivités. Ya kwamba kulikuwa deportation. Kulikuwa kubebewa kwa wafungwa. Deportation ou des captivités. Kulikuwa kubebewa sababu wafungwa mara mbili. Entièrement différence. Wenye kuachana kabisa. Dans l'histoire d'Israël. Mwadisi ya Israeli. Le royaume d'Israël. Ufalme wa Israeli. Est allé en captivité. En Syrie, il est en dans kifungo kule kusuria. En 721, 721 avant Jésus-Christ avec les 10 tribus. Pa moja na ile makabila 10. Tandis que le royaume de Juda, alakini ufalme wa Yuda, est allé en captivité à Babylone. Yo yenda mukufungwa kule ku Babeli. En 606 avant Jésus-Christ, 606 mbele ya Yesu Kristo. Avec ces deux tribus. Na ile makabila mbili. Parce que il faut noter cela. Dieu n'a pas chikuibamba. Pour ne pas semer de la confusion. Dieu chilete mufruko. Avant que nous n'allions plus loin. Mbele ya sisi kuendelea. Le royaume d'Israël, ufalme ya Israeli, qui est allé en Syrie en 721, il est lié dans Moussouria mu 721 avec les 10 tribus, na makabila kumi. Ça nous pouvons le lire dans 2e roi 17. Ile tunawezi kuisoma muwafalme wa pili sura 17. Deuxième roi au chapitre 17. Wafalme wa pili sura 17. C'est au temps du roi Osée. Ni mwakati ya mfalme Osée. Commençons au verset 3 et 6. Sanzio mustari ya 3 kufika na kusita. Salmanazar, le roi d'Assyrie, Salmanazar, mufalme wa Suria, monta contre lui, akaenda kumkombanisha, et Osée lui fut assujetti et lui paya un tribut. Na Osée akakwa mufungo akamuti na akamulipa mpalata. Dans son verset 4, msari ya 4. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée. Alakini mufalme wa Suria akavumbula makomplo mbele ya Osée. Qui avait envoyé des messagers à So, roi d'Égypte. Ulari tumaka bajumbe kule kuso mfalme wa Misri. Et qui ne payait plus annuellement les tribus au roi d'Assyrie. Na ula shukwanze kulipa tena kila mwaka ile mpalata kwa mfalme wa Suria. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Mfalme wa Suria akamfunga kamba na kumweka mkifungo. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays. Na mfalme wa Suria akatembea mwinchi yote. Et monta contre Samarie qu'il assiégea pendant 3 ans. Na kapanda ukombanisha Samaria kaitawala miaka 3. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie, Prit Samari. Mwaka wakenda wa mfalme Oze, mfalme wa Suria, akachukua Samaria. Et amena Israël captif en Assyrie. Na akachukua Israël sawa mfungwa mule mu Suria. Il est fit habiter à Shalach. Na akamweka kuikala mule mu Shalach. Et sur le Chalabor. Na kule ku Chabor. Fleuve de Gozan. Muto mnene wa Gozan. Et dans les villes de Med. Na mumiji ya Med. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu. Ile ilivafikia juu watoto wa Israël walimtendea zambi Mungu. Qui les avait fait monter du pays d'Égypte. Ule alivatoshaka mwinchi ya Misri. De dessous la main de Pharaon, le roi d'Égypte. Toka mkono wa Pharaon mfalme wa Misri. Et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Ni kwani waliogopa ile miungu zingine. Vous pouvez compléter cela avec deuxième roi au chapitre 18. Mnaweza kuiongeza na wafalme wa pili sura 18. Dans son verset 9 à 10. Mstari ya 9 kufika na 10. Ça parle de la même histoire. Inasemea yule ya 10 moja moja ile. Alors, c'est à cette époque que les 10 tribus qui forment le royaume d'Israël furent amenées en Assyrie en captivité au temps du roi Osée. Mais pour ce qui concerne Judas, ce royaume est allé à Babylone. Et c'était en 606, comme l'avons déjà dit. Que le Seigneur vous bénisse. Et retenez ceci. C'est cette dernière captivité de Babylone. Ni bufungwa bwa mwisho bwa Babeli. Qui amena Judas sur une terre étrangère? Joila irimpeleka Yuda kwenda kuikala mwinchi ya kigeni. Qui concerne les 70 années qui étaient prophétisées par Jérémie le prophète. Injo inelekea miaka 70 ile nabi Jérémie alitabiri. Lorsque nous voulons parler des 70 années qui avaient été prophétisées par le prophète Jérémie sur le royaume de Juda, wakati ile tunapenda kusema yulu ya miaka 70 ile ilitabiriwa na nabi Jérémie, cela concerne la deuxième captivité. Il est naleke ya kubebo sawa bufungwa kwa pili. Qui a commencé de 606. Il est rianza mu 606. À 536. Kufika na ku 536. C'est ça la captivité que le prophète Jérémie avait prophétisé de la part du Seigneur. Hii njo kubebo sawa wafungwa kule Yeremia alitabiriaka kuwapitia upande wa Mungu. Parce que quand vous prenez 606, mukichukua 606 moins 536, mutosha mu 536, vous aurez exactement 70 années. Mutapata kabisa kabisa miaka 70. Et deuxièmement, une chose que vous devez retenir est celle-ci. Chapiri, kile munapashi kubamba ni iki. Les 70 années miaka makumi saba de la captivité du royaume de Juda, ya kufungwa kwa ufalme wa Yuda, se sont accomplis en ces temps-là, ilitimilika mwile wakati, en 536. Mu 536. C'est lorsque plus ou moins ni wakati ile kadiri 42 000 personnes, 42 000 ya watu, montèrent à Jérusalem, balipanda kwenda ku Yerusalema, pour reconstruire le temple. Juu ya kuyengulula ikalu. Les 70 années de Jérémie. Miaka makumi saba ya Yeremia. De la captivité du royaume de Juda, ya bufungwa wa ufalme wa Yuda, se sont accomplis iritimilika en 536. Iritimilika mu 536. C'est lorsque il y a eu plus ou moins 42 000 personnes ni wakati ile kulikuwa kadiri ya watu 42 000 personnes qui sont montés à Jérusalem bale barienda ku Yerusalem pour reconstruire le temple à Jérusalem juu ya kuyengulula hekalu kule ku Yerusalem. Mais ces 70 années dont nous venons de parler lakini miaka 70 tunasema est totalement différente inachana kabisa kabisa avec les 70 semaines de Daniel inachana kabisa na majuma makumi saba ya Daniel qui concerne tout le plan du salut d'Israël. Yenye kuelekea mapu yote ya wokovu ya Israeli. Le 70 années de Daniel. Oui, on peut effacer. Je reprends cela. Mina yanzulula. C'est pourquoi je vais lentement. Njokomana mina sema pole pole. Il y aura le temps d'écrire, mais c'est pourquoi je n'ai pas fait passer le tableau. Je reprends. Mina zulula, mina semunu na motena. Les 70 années qui furent prophétisées par le prophète Jérémie, miaka makumi saba ile nabii Yeremia alitabiri, qui traite de la captivité du royaume de Juda, yenye kusemea yulu ya kufungwa kwa ufalme wa Yuda, se sont accomplis en 536 avant Jésus-Christ. Ilitimilika mu 536 mbele ya kuja kwa Yesu. Il y a eu au moins plus ou moins 42 000 personnes. Ni wakati ile kulikuwa kadiri ya 42 000 personnes. Parmi les Juifs. Katikati ya Wayuda. Qui montèrent à Jérusalem. Wale walienda ku Yerusalema. Pour la reconstruction du temple. Juu ya kuyengulula kwa hekalu. Mais ces 70 années prophétisées par Jérémie. Alakini hii miaka makumi saba sont totalement différentes. Inaachana kabisa kabisa. Avec les 70 semaines de Daniel. Inaachana kabisa kabisa na majuma makumi saba ya Danieli. Tout le plan entier. Yenye kusemea. De la rédemption sur Israël. Yenye kusemea yulu ya mapla yote. Et qui traite aussi la conclusion de toute l'histoire de l'humanité. Na yenye kusemea yulu ya mwisho ya hadithi yote ya batu. Les 70 semaines de Daniel, les 70 semaines de Daniel. Majuma makumi saba ya Danieli concerne le plan tout entier de la rédemption d'Israël. Inaelekea mapla ya okovu ya Israeli. Le plan du salut d'Israël. Inaelekea mapu ya okovu ya Israeli. Et ce sont les 70 années de Daniel ou les 70 semaines de Daniel. Ni miaka makumi saba ya Daniel. Qui traite aussi la conclusion de toute l'histoire de l'humanité, l'histoire mondiale. Ah. Makumi saba ya majuma ya Danieli njoo kunasemea tena hadithi yote ya ulimwengu mzima ya watu wote ulimwengu mzima. Mais les 70 années de Jérémie n'ont pas traité le plan du salut d'Israël. Alakini miaka makumi saba ya Yeremia yayo haikusemea mambo ya mapla ya okovu ya Israeli. Et dans les 70 années, il n'y a pas l'histoire de la conclusion de toute l'humanité. Alakini mu miaka makumi saba ya Yeremia amuna mambo ya mwisho ya hadithi ya batu bote ulimwenguni hapana. Mais les 70 années de Jérémie se limitent seulement sur la tribu de Juda. Alakini miaka makumi saba ya Jérémie. Ya Yeremia yo inashimamia tu pa kabila ya Yuda tu. Ils sont allés en captivité à Babylone comme une punition de Dieu à cause de leur endurcissement et de leur rejet de la parole de Dieu. Maribebo saba bafunga mu Babeli kwa ajili ya zami na kwa ajili ya moyo mgumu yao mbele ya Mungu. Dans deuxième chronique. Mambo ya siku ya pili. Dans deuxième chronique. Mu mambo ya pili au chapitre 36. Mambo ya siku ya pili sura makumi tatu na sita. Quand vous prenez le verset 17, je reviendrai jusque dans le verset 21. Ici, vous voyez comment la tribu de Judas fut amenée en captivité par Nebuchadnezzar, Babylone. Ça, c'est le début de la captivité de 70 années de Jérémie. On peut même lire cela. Ici, c'est en 600. Et 6. Au verset 17, nous lisons. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Na akaua kupitia mpanga babiana mnyumba ya wa milele. Il n'épargna ni jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Aba kwepushe wala biana bianaume, wala babinti, wala bazee, wala batu bazee kabisa banyole mweupe, alakini alitoa bote mumikono yake. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de l'Éternel. Nebuchadnezzar akabeba vyombo vya munyumba wa milele, grand et petit, bikubwa na bidogo, les trésors de la maison de l'Éternel, nazina ya munyumba wa milele, et les trésors du roi, nazina mukume, et de ses chefs, na ya bakubwa babo. Ils brûlèrent la maison de Dieu, walichoma nyumba ya Mungu. Il démolit les murailles de Jérusalem. Ils livrèrent au feu tous les palais. Et détruisirent tous les objets précieux. Quand Nebuchadnezzar est venu envahir le royaume de Juda, sous l'ordre de l'Éternel, conformément à la prophétie de Jérémie, la maison de Dieu fut détruite et brûlée. Et le muraille de la ville de Jérusalem fut détruit. Nebuchadnezzar avait fait des choses. Il avait détruit la maison de Dieu. Et deuxièmement, il avait détruit les murailles de la ville de Jérusalem. Quand nous disons la maison de Dieu, c'est le temple de Jérusalem. C'est là où Dieu avait mis son nom. Maintenant Dieu, dans sa colère, à cause de la méchanceté de Judas, il envoya Nebuchadnezzar qui brûla le temple et démolit les murailles de la ville de Jérusalem. Il prit tous les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les trésors de la maison de l'Éternel, ainsi que les trésors du roi et de ses chefs, et il les emporta à Babylone. Dans le verset 20, Nebuchadnezzar amena captif à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils lui firent assister à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse. Verset 21, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, il n'y a pas de kutimilika neno ya wa milele wa ritangaza kwa Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats. Kufika na pale inchi ikafurahi kufika kwa sabato yake. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté. Jusqu'à l'accomplissement des 70 ans. Vous voyez que chronique 36, dans son verset 17 à 21, nous montre comment la prophétie de Jérémie s'est accomplie. Et cela nous dévoile les débuts des 70 années de cette prophétie que Jérémie avait donnée. Vous voyez. Mais maintenant, à la fin, c'est-à-dire Manake, en 536, à la fin des 70 années de la prophétie de Jérémie, il y a eu maintenant plus ou moins 42 000 personnes qui sont montées sur l'ordre du roi Cyrus. C'était pour aller rebâtir le temple à Jérusalem. Dans deuxième chronique, Mambo ya siku ya pili, au chapitre 36, sura ke makumi tatu na, dans son verset 22 à 23, makumi mbili na mbili kufika makumi, ici nous montrons, ici la Bible apa Biblia, nous montre la fin de la captivité du royaume de Juda, inatonesha mwisho ya bufungwa wa ufalme wa Yuda, qui achève les 70 années ile que le prophète Jérémie avait prophétisé sur le royaume de Juda. Au verset 22, nous lisons la première année de Cyrus, roi de Perse, parce que ce sont les Perses, nous les verrons, après le règne de Nebuchadnezzar, ce sont les Perses qui vaincurent le royaume de Babylone. Et pendant maintenant que les Perses régnaient sur Babylone, ils ont trouvé dans le royaume de Babylone les Juifs qui étaient en captivité, qui étaient amenés par Nebuchadnezzar. Walikuta mule mubabeli ba Yuda wale walibebwa sababu bafungwa. Maintenant, et quand le roi Cyrus arriva, wakati mfalme Asuero alikuja, c'était presque à la fin de la prophétie, à la fin des années que le prophète Jérémie avait prophétisé. C'était à la fin de la captivité. Maintenant, Dieu réveille l'esprit de Cyrus. Maintenant, c'est le roi Cyrus de Perse pour maintenant retourner le royaume de Juda dans son pays, qui prend maintenant la relève pour accomplir la parole de Dieu. Parce qu'hier, nous vous avons montré que lorsque Jérémie avait prophétisé la captivité, il avait aussi prophétisé la fin, et il avait même dévoilé comment Dieu punirait le royaume de Babylone et tous ces incirconcis qu'il avait utilisé pour punir le royaume de Juda. Mais à la fin maintenant, c'est le roi de Perse qui vient. Nous en parlerons avec plus de détails. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcé par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vives voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Verset 23. Ainsi parle Cyrus, Il sourit sans assez mal. Roi des Perses. Mfalme wa Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux. Wamilele Mungu wa mbingu. M'a donné tout le royaume de la terre. Anaipatia ufalme yote hapa dunia. Il m'a commandé. Aliniamuru de lui bâtir une maison à Jérusalem en Judée. Ya kwamba nipate kumjengea nyumba yake ku Yerusalemu mule mujuka. Qui d'entre vous est de son peuple? Ni nani katikati yenu ko ngamba? Quel est son Dieu soit avec lui. Wamilele Mungu wake akuwe naye. Et qu'il monte. Na apate kupanda. Vous voyez? Unaona? Écoutez comment Dieu utilise les gens. Muone namna kani Mungu ako natumikisha bantu. Dieu dit, Mungu anasema, et d'abord, Cyrus dit, Cyrus akasema, l'Éternel, le Dieu des cieux, wa milele Mungu wa mbingu, c'est lui qui m'a donné le pouvoir. Il m'a donné la domination sur tous les royaumes de la terre. Après qu'il m'a donné la domination sur tout le roi de la terre, il m'a donné la charge de lui bâtir une maison à Jérusalem. Et le roi Cyrus s'élève, il dit, maintenant parmi tout mon royaume, qui se reconnaît comme étant son peuple? Qui d'entre vous, toutes les nations, se reconnaît comme étant le peuple de l'Éternel, le Dieu du ciel? Alors, que Dieu soit avec lui. Et qu'il monte à Jérusalem. N'apate kupanda kwenda ku Yerusalema. Et qu'il aille bâtir la maison de l'Éternel. N'apate kwenda kuyenga nyumba ya wamilele. Dans les dits du roi Cyrus, mumisemo ya mfalme Asuero, il parle de la reconstruction du temple de Jérusalem. Mais il ne faut pas oublier quand Nebuchadnezzar était venu envahir le royaume de Juda et tout Jérusalem, il n'avait pas seulement détruit le temple, il avait aussi détruit la ville, il avait détruit le muraille de la ville. Mais quand Dieu prend maintenant le roi Cyrus, il dit, toi tu vas me bâtir la maison nyumba à Jérusalem. Kule ku Yerusalema. Dans Esdras, Ezra, au chapitre 1, Esdras sura yake ya kwanza, dans son verset 1 à 4, mustari ya kwanza kufika na kuine, la première année de Cyrus, mwaka ya kwanza ya Cyrus, roi de Perse, mfalme wa Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui. Qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjourne les restes du peuple de l'Éternel. Les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets, et du bintou et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Mais Dieu est terrible. Il est fidèle dans l'accomplissement de ses paroles. Regardez comment la parole de Dieu s'accomplit avec précision. Et c'est Cyrus qui donne l'ordre à tous les Juifs qui se retrouvaient dans tout son royaume, sur toute la terre, de monter à Jérusalem, en Judée, pour construire le temple de Dieu. Quand le prophète Jérémie avait donné sa prophétie, ce roi n'existait même pas. Mais Dieu, notre Dieu, le Dieu d'Israël, avait déjà parlé de ce roi Cyrus par la bouche de son prophète Esaïe avant 100 ans que Cyrus ne soit né. Bele ata Cyrus azaliwe. Quelle précision! Akiki shokani. Esaïe 44. Isaïa sura yake makumi ine na ine. Esaïe prophétise. Isaïa anatabiri. Il parle de Cyrus. Anasema Yulia Cyrus. Avant même qu'il n'existe, 100 ans avant. Miaka mia mbele ya u Cyrus akueko. Ah Dieu merveilleux. Ah Mungu ni watamani. Esaïe 44. Isaïa sura ke makumi ine na ine. Prenons son verset 26 à 28. Tuchugwe mustari yake makumi mbili na sita kufika na makumi mbili na munane. Je confirme la parole de mon serviteur. Mie na kikisha neno ya mtumishi wangu. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Na mie niku natimiza ile natangulia kusemwa batume. Je dis Jérusalem sera rebâti, sera habité. Mina sema Jérusalem batakuwa bakati. Et les villes de Juda, elles seront rebâties. Na miji ya Yuda batayengulula. Et je révélerai les ruines. Na talamusha mabomoleo yabo. J'ai dit à l'abîme. Nikasema na shimo. Dessèche-toi. Ukauke. Je tarirai tes fleuves. Minta kausha mito yako. J'ai dit à Cyrus. Nikamwambia Cyrus. Il est mon berger. Eko mchungaji wangu. Et il accomplira toute ma volonté. Na atatimiza mapenzi yangu yote. Il dira de Jérusalem. Atasema yule ya Yerusalema. Qu'elle soit rebâti. Iyengulule. Et du temple. Na ya ekalu. Qu'il soit fondé. Apate kuyenga. Quelle précision. Akikisho kani. Quand Esaïe prophétise ici. Wakati Isaïe anatabiri hapa. Cyrus n'existe pas. Cyrus alikuwa ibalo ataku wako. Il a prophétisé avant 100 ans, un siècle. Alitabiri mbele ya miaka mia ikuyeko. Et quand Esaïe prophétisait. Wakati Isaïe alitabiri. Les gens pouvaient tourner autour. Ils pouvaient tourner de gauche à droite pour chercher dans tous les royaumes où se trouve cet homme Cyrus qui est le berger de l'Éternel, celui qui accomplira la parole de Dieu. Ula tatimiza neno la Mungu. Et qui accomplira sa volonté. Na ula tatimiza mapenzi. C'est lui qui va ordonner que Jérusalem soit rebâti. Kwamba Yerusalem va yengulula. Et que le temple soit rebâti aussi. Na ekalu vafate kuyengulula. Oui, bien-aimé frère. Dio nduku mpendwa. Oui, bien-aimé sœur. Vous voyez comment il y a des précisions dans les prophéties. Donc il y a des précisions. Il y a l'exactitude. Quand Dieu dit quelque chose, elle s'accomplira exactement et littéralement comme Dieu l'a prononcé. Vous voyez bien, mes frères. Les gens pouvaient douter Esaïe. Les gens pouvaient douter sa prophétie. Mais le Dieu du ciel avait déjà vu qui est ce roi de Perse. Qui viendrait pour ordonner la reconstruction du temple et la reconstruction de la ville. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Il faut bien comprendre cela. Le royaume de Juda en captivité à Babylone. C'est 606. L'an 606 qui marque les débuts de 70 années de la prophétie de Jérémie. C'est ce que Jérémie 29. Cela commence avec la lettre de Jérémie au captif. Joinanza na msemo ya Yeremia mumbufungwa. Kuwafungwa. Ce que nous avons lu en deuxième chronique au chapitre 36. Ile tulisoma mambo ya siku ya pili makumi tatu na sita. Dans son verset 17. Mstari yake ya 17. C'est l'accomplissement de Jérémie 29. Nikutimilika kwa Yeremia makumi mbiri na tisa. Ici, vous allez lire ça à la maison. Utaisoma kumulango. C'est Jérémie qui écrit. Ni Yeremia ula anaandika. Aux captifs de Juda. Anaandikia bafungwa ba Yuda. Pour leur dire. Juu ya kubaambia. Allez en captivité et restez à Babylone tranquillement. N'écoutez pas les faux prophètes qui vous donnent une fausse confiance. Mushishikie manabii ya bongo yenye kumipatia matumaini ya qui vous disent que bientôt vous allez retourner dans votre pays. Bale wanamiambia sema sasa hivi mutarudia muinchi yenu mushibafuate. L'Éternel m'envoie pour vous dire. Wamilena na nituma juu ya kumiambia. Allez en captivité. Endeni mubufungwa. Restez-y. Bakiemo. Lorsque vous y serez, construisez des maisons, cultivez les champs, mariez vos filles, que vos fils se marient. Vous voyez, vous ne reviendrez pas si tôt. Et Dieu vous demande pour votre paix à Babylone. Dieu a salama yenu, mubaki mbabeli. Priez même pour la paix. Muombe Dieu a salama. Pour que le royaume de Babylone soit en paix. Dieu, pour votre paix. Dieu ufalme ya Babeli kwa musalama Dieu a salama yenu. Vous n'allez pas à Babylone pour 2 ans ou pour 10 ans. Amwende mu Babeli juu ya miaka mbili, miaka kumi hapana. Lisons un peu cela comme le temps file. Tusome kwanza hii vile wakati inaenda. Jérémie 29. Yeremia 12. Commençons verset 1, vous allez le lire tout à la maison. Tuanze mstari ya kwanza mtaisoma kwa mlango. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité. Tazameni yenye kupatikana mubarua ile Yeremia nabii alituma kule ku Yerusalema kwa ile sacrificateur wazee wale wa kumfungwa au prophète manabii et à tout le peuple na kutaifa yote. Nebukadnezar avait amené captif de Jérusalem à Babylone. Bale Nebukadnezar alibeba sawa wafungwa kutoka kule ku Yerusalema. Après que le roi Jeconien, kisha mfalme Jeconia, la reine et les eunuques, Malkia na Batoasi, les chefs de Juda et Jérusalem, les charpentiers et les sérieux, furent sortis de Jérusalem. Balitoka mule mu Yerusalema. Il l'a remis à Elsa, akai peleka kwa Elsa, fils de Shaphan, mwana wa Shaphan, et de Gemaria, na kwa fils de Elkija, mwana wa Elkija, envoyé à Babylone par Sédékias, le roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Kwa Nebuchadnezzar, mfalme wa Babeli. Elle était ainsi conçue. Hii barua baliandika hivi. Ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Hivi wa milele Mungu wa majesi, Mungu wa Israël. À tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Wabafungwa bote pale na ritoshe mu Yerusalemu kwenda Babylone. Bâtissez les maisons, muyenge manyumba. Et habitez-les. Na muikale emo. Plantez des jardins. Mulime mashamba. Et mangez-en les fruits. Mukule matunda yayo. Prenez des femmes. Mutugwe babibi. Et engendrez des fils et des filles. Zale batoto banamke na babibi. Prenez des femmes. Mwowe babibi. Pour vos fils. Mwowe babibi. Et donnez des maris à vos filles. Na muoweshe babibi. Afin que l'enfant des fils et des filles. Ili bazale batoto banamke na banamke. Multipliez là où vous êtes. Muzalane kule mko. Et ne diminuez pas. Mushipunguke mbwingi. Recherchez le bien de la ville où je vous aime. En captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous. Par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est les mensonges qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne vous ai point envoyé, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que les 70 ans seront écoulés pour Babylone, pale tu miaka makumi saba itamalizika mubabeli. Je me souviendrai de vous. Tamikumbuka. Et j'accomplirai à votre égard. Tatimiza ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Tamitimiza kwenu msemo mzuri kumirudisha mwinchi. Israël, quand Juda est parti en captivité, quand le royaume de Juda est allé en captivité à Babylone, dans son sein il y avait encore de faux prophètes qui continuaient à les encourager comme avant la captivité, que dans peu de temps vous retournerez à Jérusalem. C'est ainsi que Dieu envoie Jérémie avec une lettre pour leur dire ouvertement que ces prophètes qui vous encouragent dans les faux, je ne suis pas avec eux, je ne les ai pas envoyés, restez à Babylone, priez pour Babylone afin qu'il soit tranquille parce que votre bonheur dépend de lui. Ça dépend de lui. Vous voyez bien mes frères, si Babylone est en paix, il n'est pas attaqué par d'autres nations, vous serez aussi en paix. Comme vous y resterez longtemps, bâtissez les maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez des fruits, mariez-vous, ayez des enfants. Que vos fils se marient, ils aient aussi les enfants. Que vos fils soient mariés, qu'ils aient aussi des enfants. Vous resterez là jusqu'à ce que les 70 années que mon serviteur Jérémie a prophétisé sur vous, et lorsque les 70 années prendront fin, moi-même je viendrai vous sortir de là pour vous retourner dans le pays de la promesse en Juda. Vous voyez frère, c'est ce qui a eu. N'enjoy le rifanika. Donc, deuxième chronique 36. Mambo ya siku ya pili, makumi tatu na sita. Son verset 17. Musari yake kumi na saba. À 20. Kufika makumi mbili. Et Jérémie chapitre 29. Na Jérémie sura makumi mbili na tisa. Avec la lettre que Dieu envoie aux captifs. Na hii barua Mungu anatumia bafungwa. Ça s'est passé en 606 qui est le début de la captivité du royaume de Juda à Babylone par le roi Nebuchadnezzar. Il fallait que 606 yenye kwa mwanjo ya bafungwa wa batoto wa Israeli mule mu Babeli. Et ne confondez jamais cela. Mushivruke kamwe. Avec les 70 semaines de Daniel, naile majuma makumi saba ya Danieli, que nous allons exploiter en profondeur. Ile tuta difunza katika upana. Donc pour terminer, jia kumaliza, comprenez que muelewe ya kwamba, retenez mushike, qu'il y a eu deux captivités. Ya kwamba kulikuwa bufungwa buwili. La première captivité s'est fait au temps du roi Osée. Ça traite de tous les plans entiers de la Reste d'une manière particulière le plan du salut pour tout Israël. Il n'a semé à mon amour na ya ya okovu ya. Il qu'on a semé à mapo ya okovu ya Israël. Ça parle d'une manière globale du salut de tout Israël. Na et ça traite encore. Il n'a semé à tena de la conclusion de la fin. De la conclusion de l'histoire de l'humanité. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer demain. Tout a indélé à quelque chose. Qui ont compris? Banani banaelewa. Qui ont compris? Mettez, je vais voir. Banu banaelewa mzuri baninyoloshe mikono. Ok, ça va. Mzuri. Nous faisons qu'introduire cela. Ini kingilili yotu. Priez pour ça. Muyombeye. J'ai confiance que le Seigneur nous donnera de la compréhension. Mie natumainia kwamba Bwana Mungu atatupatia kuelewa kuzuri. Je sais que c'est là. Il y a beaucoup de frères et beaucoup de sœurs. Minajua saku banduku mingi na badada mingi. Qui sont venus. À la foi, il n'y a pas longtemps. Et ils n'ont jamais suivi cet enseignement. Alors, donnez-vous le temps de venir suivre parce que nous n'avons pas toujours le temps d'en parler. Nous avons beaucoup de choses à enseigner. C'est que je prends beaucoup de choses pour éclairer l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous pour la prière. Et prions-nous tous. Seigneur notre Père.